France Inter. Blockbuster à présent, et accrochez-vous bien, un grand moment est arrivé, ça y est, Frédéric Sigrist, vous allez enfin nous parler d'un film France Inter. Oui Mathilde, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, je suis rentré dans le système. L'aiguille de mon compas geek est toute cassée, et c'est pas une métaphore sexuelle. Je suis à la culture pop, ce qu'Aurore Berger est à la politique, j'ai plus de maison. Faisons le bilan. J'ai critiqué Super Mario, le film cartonne. J'ai trouvé que Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon n'avaient rien compris à l'esprit de l'œuvre d'Alexandre Dumas, le film est plébiscité. Cette semaine, je suis allé voir Evil Dead Rise, la suite de la franchise d'horreur de Sam Raimi, et je me suis ennuyé. Vous vous rendez compte, Mathilde ? Il y avait des démons, du sang, des tronçonneuses, et je me suis ennuyé. On aurait dit un amiche dans un magasin Apple. Pas une réaction, rien ! Les fans d'Evil Dead, eux, ils en disent beaucoup de bien. Donc je pense que ça y est, je dois l'admettre, il est temps que je rentre dans le rang, que je me réjouisse des audiences de la station avec une photo de moi sur un fond rouge, que je boive du jus de goyave avec Hugo Clément et que je parle des films de Bertrand Tavernier avec Eric Neuf. Donc j'avoue, Suzume de Makoto Shinkai, c'est vraiment un bon film. Je sens un mai arriver. Non, c'est vraiment un bon film. Et c'est pas les 181 000 spectateurs qui l'ont déjà vu qui me diront le contraire. C'est un film magnifique qui fait du bien par les temps qui courent. Frédéric, on vous connaît. D'accord. Suzume est un très bon film. Si on ne connaît pas le travail précédent de Makoto Shinkai, parce qu'entre Your Name, Les Enfants du Temps et aujourd'hui Suzume, il nous refait un chouïa le même film, le petit père Makoto. Une histoire d'amour entre deux adolescents, une opposition entre un Japon rural et un Japon connecté et urbanisé, un passé qui tente à s'effacer, jusqu'à la musique toujours splendide du groupe de rock Radwimps qui a fait la BO des trois films. On est sur un geste de calligraphie toujours plus parfait, mais où Makoto Shinkai écrit toujours le même mot. Alors je sais bien que Makoto Shinkai, d'après les journalistes, c'est le nouveau Miyazaki. En attendant que Mamoru Hosoda refasse un nouveau film. Ce qui fera de lui le nouveau Miyazaki. Ah, c'est pas bien compliqué vu que les mecs des généralistes, ils ne connaissent que Miyazaki. Hein, il faut la même chose avec les acteurs noirs. Oh, regardez le nouvel Omar Sy. Je sais que les films de Makoto Shinkai sont des fables écologiques sur un Japon entre tradition et modernité. Oui, ils aiment bien parler du Japon comme ça. Entre tradition et modernité. C'est comme si au Japon, ils disaient Alibi 2, un film sur la France entre grève et baguette tradition. Suzume, c'est l'histoire d'une jeune fille qui parcourt le Japon accompagnée d'une petite chaise en bois. Alors ça a l'air bizarre, dit comme ça, mais en même temps, nous, ça fait 3 jours qu'on a un président qui parcourt la France avec des casseroles, donc qui sommes-nous pour critiquer ? Au cours de son voyage dans des lieux laissés abandonnés par le Japon moderne, Suzume doit refermer des portes magiques susceptibles de laisser échapper une force menaçant le pays. Suzume, c'est avant tout un film sur le deuil, où l'héroïne doit non seulement apprendre à fermer enfin la porte de sa tristesse, mais aussi fermer les plaies d'un Japon traumatisé dans sa chair par les tsunamis, les tremblements de terre ou Fukushima. C'est un film fort, qui le serait pour moi encore un peu plus si je n'avais pas vu quelques mois avant Les Murs Vagabonds, un dessin animé d'Hiroyasu Ishida disponible sur Netflix qui parle lui aussi de ces lieux hantés par les souvenirs. L'avantage de Makoto Shinkai, c'est que même en réalisant à l'intérieur de sa zone de confort, il reste plus touchant que bien des réalisateurs. Conclusion, vous n'êtes pas encore totalement esprit inter. Non, mais ça progresse Mathilde, ça progresse. Frédéric Sigrist, tous les vendredis dans le 5-7 avec la chronique Blockbuster.